Vous écoutez CKRL 89.1 et dans le dernier quart d'heure de Futur Simple qu'il nous reste, nous allons nous intéresser aux habitudes alimentaires des Québécois. Alors comment la science a-t-elle transformé nos habitudes alimentaires? Eh bien, c'est Benjamin Alès qui va nous apporter des éléments de réponse. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Donc l'alimentation des Québécois n'a cessé de se transformer au cours des deux derniers siècles. Des nouvelles habitudes alimentaires ont fait leur apparition, et plus particulièrement après l'avènement de l'industrialisation et des nouvelles découvertes scientifiques qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe. Caroline Coulon, une historienne de l'Université du Québec à Trois-Rivières, a compilé dans un article de 2005 les transformations observées durant une période critique de changement culinaire au Québec. Donc cette période, elle s'étale entre 1860 et 1960. Donc vous verrez que comprendre la mise en place des changements culinaires qui se sont opérés depuis plus de 150 ans, c'est aussi comprendre en fait comment on en est arrivé à la composition de nos assiettes de 2013. Et puis est-ce que les rayons des épiceries n'ont pas toujours débordé de produits variés comme aujourd'hui? Comme il n'y a pas toujours eu autant de produits que ça, comment les historiens retracent les changements qu'il y a eu au cours des décennies passées? Et en fait, un des outils majeurs, c'est les livres de cuisine, les livres de recettes. En effet, les livres de recettes des grands-mères ou des arrière-grands-mères québécoises contiennent beaucoup d'informations sur la culture alimentaire. Ok, c'est une bonne source d'informations, ça. Voilà. Donc, alors, comment on fait pour étudier l'évolution de la culture alimentaire à travers un livre de recettes? Et en fait, les historiens, ils peuvent observer chaque recette, les ingrédients, la façon dont on détaille les gestes nécessaires à la recette, mais aussi les ingrédients, groupes d'aliments, la consommation de fruits et de légumes, par exemple, dans la recette, l'assaisonnement et d'autres types d'aliments. Donc, ces livres, ils contiennent aussi des conseils hygiéno-diététiques qui étaient, en fait, sur les bonnes pratiques pour cuisiner et recevoir. Et le plus populaire, c'est ce qui est toujours d'ailleurs présent dans certains foyers québécois, c'est un livre qui s'appelle La cuisine raisonnée, et il a été réédité plus de 20 fois depuis 1919. Ah oui, c'est un bon record, ça, quand même, et c'est surprenant. Non, même je ne pensais pas qu'il y avait déjà des conseils hygiéno-diététiques dans des publications, dans des livres de 1919. Si, beaucoup, surprise. Ouais. Donc, qu'est-ce que les chercheurs ont observé? Quelles sont les grandes phases de changement qui ont marqué l'évolution de la cuisine et des habitudes alimentaires québécoises? En fait, les auteurs de cette étude historique, ils rapportent que l'évolution, on est passé en fait d'une société à cette période traditionnelle vers une société de consommation et de production. Donc l'activité agricole, qui était considérée comme un pilier du système alimentaire québécois, produisait au début juste les quantités nécessaires à la survie du peuple. Et avec l'avènement des nouvelles technologies agricoles, on est passé à une véritable marchandisation de la nourriture. Donc la production L'activité explose et elle est de moins en moins sensible au climat et aux autres aléas de la nature. Et en plus de la quantité, parce que là tu parles de quantité finalement, comment la science a-t-elle pu aussi influencer la qualité de l'alimentation? Et en fait, cette période, elle correspond aussi à l'avènement des connaissances scientifiques en diététique, pour employer le mot de l'époque. Donc cette science qui enseignait aux ménagères l'art de préparer une cuisine qui était pas seulement en fait rassasiante, mais désormais nutritive et même saine. À la fin de cette période, la santé entre beaucoup en jeu dans l'alimentation. Et alors, qui a influencé la mise en place de ce type de cuisine? À la base, ce sont les hygiénistes, les diététiciennes et les économistes domestiques, comme on les appelait à l'époque. Économistes domestiques. Voilà, qui ont promu ce type de cuisine. Et ils se basaient sur des principes scientifiques qui apparaissaient au fil du temps. Et les historiens se sont rendus compte que même les manuels religieux, qui étaient très conservateurs, vont intégrer peu à peu des recettes qui se basent sur ces nouveaux principes diététiques. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces grands principes diététiques et de quelle façon ça a influencé la cuisine des arrière-grand-mères ou des grand-mères québécoises? On pourrait donner l'exemple de l'importance du sucre. Donc le sucre, il était considéré à la fin du XXe siècle comme un aliment à part entière, car il était très énergétique. Et par exemple, on voyait des publicités pour des raisins secs qui disaient qu'ils contiennent 75% de sucre et qu'ils procurent plus d'éléments nutritifs et d'énergie qu'un steak. Ah oui, et en effet, donc ça change un peu du discours actuel. On met peut-être pas moins de sucre dans les aliments, mais on en fait peut-être un peu moins la promotion ouvertement comme ça. Oui, c'est ça. Donc en fait, le sucre, en fait, est encore aujourd'hui considéré comme le discours a changé en fait avec le nouveau modèle diététique et en fait il a été progressivement supprimé et maintenant on parle même à la fin de cette période de 1960 des dangers d'une consommation trop élevée de sucre. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui. Ouais. Et ça se rapproche plus des recommandations actuelles finalement. Ouais. Mais bon, paradoxalement, c'est aussi dans cette période-là, qui est la période historique étudiée, qu'on a vu la consommation de sucre augmenter. Et on est passé de 42% de sucre dans les plats des livres de recettes en 1860 à 52% des plats en 1960. Bah oui, et c'est ça, c'est qu'il n'y a pas moins de sucre finalement. Non, on dit qu'il faut moins manger, mais les aliments en contiennent toujours et de plus en plus. Ouais. Donc pour le gras, on a eu la même chose, parce qu'au début du XXe siècle, la friture par exemple, c'était un mode de cuisson qu'on disait qui était censé conserver les principes nutritifs des aliments. Et on se rend compte après qu'il existe d'autres modes de cuisson plus efficaces pour conserver cette valeur nutritive. Et cela dit, les apports et la proportion de gras dans les aliments ont également augmenté de façon très paradoxale à cette période. Et est-ce qu'on sait si la science a aussi influencé d'autres habitudes alimentaires à cette époque ? Ben oui, par exemple, pour les fruits et légumes, on les consommait plus souvent cuits, même les fruits, et on se rend compte au fur et à mesure des nouvelles connaissances que les propriétés nutritionnelles des fruits et des légumes dépendent beaucoup du temps de cuisson. Et donc les nouvelles recettes qui ont été développées dans les livres vont raccourcir en fait le temps de cuisson, par exemple, et on va consommer donc de plus en plus de fruits crus en plus des traditionnelles compotes ou confitures. On n'a peut-être plus le souci de la conservation à long terme aussi. Ouais. Ça aussi, ça a peut-être changé. Et tous ces changements, est-ce que ça a permis de simplifier la cuisine finalement? Oui, en fait, c'était l'une des avancées majeures de l'époque, surtout vers la fin, les années 50 et 60. Et il y a eu des avancées comme la soupe en boîte. Ça paraît anodin aujourd'hui, mais pour la ménagère de l'époque, c'était une révolution. Donc l'industrie veut vendre à la ménagère ces produits qui permettent de cuisiner plus rapidement. Ils sont plus rapidement consommables parce qu'en fait le temps à cette période devient quelque chose de très important dans la société. Et c'est vrai que même aujourd'hui on dit souvent qu'on n'a pas le temps de cuisiner d'ailleurs. Oui, ouais, c'est une c'est le prétexte qu'on dit pour ne pas cuisiner. C'est ça. Et en fait à l'époque c'était vraiment bien vu vu que le temps était rare aussi de dire ça. Puis on voulait préparer des plats avec des produits industriels lorsqu'on recevait ses invités. Ah, c'est vrai? Oui, par exemple, il y avait une recette qui était le poulet à l'italienne, et c'était ouvrir une boîte de coulis de tomates mélangée avec des spaghettis et du poulet désossé déjà tout préparé. Toute une recette. C'est ça. C'était cette simplicité de préparation qui était vue en fait comme un luxe pour l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à revenir vers plus de sophistication, on essaye de faire semblant que c'est compliqué. Ouais. Mais c'est un peu dommage de vouloir perdre cette identité culturelle, culinaire, oui, c'est un lapsus, mais finalement ça revient culinaire, culturel, au profit d'une simplicité de gestes et du manque de temps, non ? Oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui le discours nutritionnel il fait marche arrière. On se rend compte que passer plus de temps en cuisine sans pour autant y consacrer sa journée, ça augmente considérablement la qualité de l'alimentation. Et par exemple, à la fin des années 60, on était sur le modèle de la parfaite cuisinière et on était avant les années 60 sur le modèle de la parfaite cuisinière, et on est passé à un modèle de la parfaite hôtesse où l'apparence prédominait sur la technique. Et aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus d'émissions à la télévision, ailleurs, ou des cours de cuisine qui réapprennent au commun des mortels, si j'ose dire, à tous les particuliers, des gestes et des recettes plus techniques pour essayer d'épater ses invités. Et on peut se demander alors si on progresse plus maintenant vers un retour aux sources gastronomiques québécoises, et je vous laisse y réfléchir à vos fourneaux. On va faire la réflexion, puis je crois qu'on peut avoir aussi une partie de la réponse, parce que bon, ça, c'est un peu peut-être théorique là. Des fois je trouve qu'il y a un décalage entre ces études-là et ce qu'on voit dans la vraie vie, comme à propos du sucre tout à l'heure. Là, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on fait, puis je crois qu'on peut avoir quand même une partie de la réponse quand on regarde à l'épicerie la quantité de plats préparés, de sauces toutes prêtes, de viande déjà préparée et apprêtée à l'épicerie. Donc il y a peut-être un décalage des fois entre ce qu'on voit dans la théorie, puis ce qui se passe dans la réalité, peut-être. Oui, c'est sûr, c'est certain. Même si les gens essayent de revenir vers des choses plus basiques aujourd'hui. Ouais, peut-être que le prétexte du manque de temps est toujours là. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin. Merci, Valérie.